Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers. Jean-Philippe Toussaint. Annie Ernaux. Antonio Lobo Antunes. Jean d'Ormesson. Lydie Salvert. Olivier Rollin. Et toute cette semaine, Geneviève Brissac s'entretient avec Annie Ernaux. À voix nue. Annie Ernaux s'entretient avec Geneviève Brissac. Quatrième volet. Sexe et mort. Vous nous avez dit, Annie Ernaux, que tous vos livres commençaient par une de ces scènes difficiles à mettre en mots, comme des murs à franchir pour atteindre la plaine de l'écriture, comme des transgressions. Une deuxième scène, comme celle de la honte dont nous avons parlé hier, revient par deux fois dans votre œuvre, comme une coupure épistémologique, comme une rupture, comme une brèche. Elle ouvre les armoires vides, et je vais en lire le début. Toutes les heures, je fais des ciseaux, de la bicyclette ou les pieds au mur, pour accélérer. Une chaleur bizarre s'étale aussitôt comme une fleur quelque part au bas du ventre. Violacée, pourrie, pas douloureuse, juste avant la douleur, un déferlement de tous côtés qui vient cogner contre les hanches et mourir dans le haut des cuisses, presque du plaisir. Ça vous chauffera une minute, juste le temps d'enfoncer. Une petite sonde rouge, toute recroquevillée, sortie de l'eau bouillante. Elle va se prêter, vous verrez. J'étais sur la table, je ne voyais pas entre mes jambes, je ne voyais entre mes jambes que ses cheveux gris et le serpent rouge brandi au bout d'une pince. Il a disparu, atroce. J'ai engueulé la vieille, qui bourrait d'ouate pour faire tenir. Il ne faut pas toucher ton katsu, tu l'abîmerais. Laisse-moi embrasser les petits bonbons, là, entre les lèvres. Crocheté, bousillé, colmaté. Je me demande s'il pourra jamais resservir. Après, elle m'a fait boire du café dans un verre pour nous remonter, elle n'arrêtait pas de parler. Cette scène est au cœur de l'événement paru en 2000, sous un exergue de Michel Léris. Mon double vœu, que l'événement devienne écrit, que l'écrit soit événement. Alors, Annie Ernaux, quel chemin d'une scène à l'autre? Et puis pourquoi y revenir, des années plus tard? Quel chemin? C'est tout un chemin d'écriture, d'abord, puisque la scène des armoires vides que vous venez de lire s'inscrit dans une trame romanesque tout de même. C'est une reconstitution. Il y a des souvenirs d'enfance que j'intercale sur le sexe, le katsu, le terme pour désigner le sexe des petites filles en Normandie. Et alors que dans l'événement, je vais affronter directement ce qui, après bien des années, alors là sur un autre mode, le mode personnel, m'apparaît comme un rite initiatique presque. C'est-à-dire que c'est dans cet avortement qu'il se passe énormément de choses pour moi. La rupture avec ma mère, qui se retrouve dans le visage au fond de l'avorteuse, et la conscience réelle, au fond, que je suis une femme. C'est-à-dire que j'ai ce pouvoir d'être enceinte et aussi de pouvoir ne pas choisir de continuer de l'être. Donc ce pouvoir de mort aussi. Et puis je vais découvrir alors en plein ce que ça signifie aussi le pouvoir là qui s'incarne par les médecins, mais c'est la société qui refuse à l'époque cela aux femmes. Et j'affronte complètement, et ce n'est plus du tout sur le mode du roman. Et évidemment, c'est que entre les deux, j'ai écrit d'autres livres où j'ai tourné le dos à la fiction. Oui, progressivement. Oui, en fait, enfin, progressivement, on va dire que La femme gelée est le texte intermédiaire ou qui sera dans la première édition intitulé encore roman. Mais par exemple, au cours des interviews, des rencontres, lorsqu'on me parlait au fond de moi dans ce livre, bon, je ne disais pas c'est un roman. Hein, je vraiment parce que on sentait, je crois que le public sentait que pour écrire ce livre-là, il fallait justement que ce soit la trajectoire personnelle et non pas fictive. D'autant plus que par certains côtés, La femme gelée, dont on n'a pas du tout parlé jusque-là, et c'est vraiment un livre de passage, hein, puisque c'est le passage de la Normandie à Annecy, dont on n'a parlé, et aussi le passage de la vie à Yvetot, de la vie dans cette famille modeste à un relatif embourgeoisement, et puis aussi l'acceptation, enfin l'entrée dans une aliénation choisie. Est-ce qu'on peut choisir l'aliénation? Non, je crois qu'il faut qu'elle prenne un autre visage, qu'elle ait un visage désirable pour qu'on puisse la choisir. Alors oui, peut-être dans ce sens-là. C'est comment... Une normalité. Ce qui était vraiment la normalité de l'époque où c'était le mariage. Et la normalité qui reste, je crois, tout de même d'actualité, c'est-à-dire que les tâches ménagères, l'éducation des enfants, le soin, le maternage, soient toujours l'apanage des femmes dans sa grande majorité. Et c'était évidemment, parce qu'on a parlé de mes parents hier, du couple qu'ils formaient, et comment je n'étais pas préparée du tout à cela. Et le fait de ne pas y être préparée a été évidemment une grande souffrance, mais aussi m'a donné la force de voir que rien ne justifiait... Ça n'allait pas de soi. Il y a une scène très drôle dans La femme gelée où vous êtes... la narratrice, en l'occurrence, est donc avec son mari, parce que c'est plus son compagnon, je crois que c'est son mari. Enfin, en tout cas, ils habitent ensemble. Et la cocotte minute siffle et il faut que quelqu'un se lève. Oui. Et qui se lève, oui. Et voilà, presque naturellement, entre guillemets, naturellement, c'est moi, c'est la narratrice. Oui, avec une certaine révolte. Oui. Oui, et si j'ai gardé évidemment tous ces souvenirs si frais, parce qu'ils sont écrits plus de 10 ans après, c'est bien que justement il y avait tout de même une réticence, il y avait quelque chose qui à un moment ou à un autre devait, au fond c'est La femme gelée, comment je suis devenue femme. Oui. Et c'est ce texte est effectivement intermédiaire dans l'écriture, parce que je vais progressivement donc vers l'abandon de toute fiction. Et d'autre part, je suis tout de même encore dans une certaine voie violente. Oui, et c'est très intermédiaire de ce point de vue-là. Oui. C'est violent, mais un petit peu... Beaucoup plus analytique tout de même. Voilà. Voilà, donc, effectivement, que les premiers. Et plus analytique. Presque, moi, je l'ai lu presque comme une version du deuxième sexe, disons. C'est-à-dire qu'il est très... ça file. Oui. Ça file d'idée en idée et finalement... Mais c'est très concret, oui. C'est-à-dire que ça n'a rien d'un bouquin théorique, ça n'est pas une analyse de la condition féminine en général. C'est à travers, c'est toujours au fond ce que je fais, mais à travers une expérience réelle de femme, voir comment ça se passe au fond. C'était ça, dégager sur un temps long. Oui, c'est sur un temps long, puisque ça va de l'enfance jusqu'à peu près la trentaine. Et peut-être c'est ça la différence, c'est ça qu'il rattache aux armoires vides et qui fait et la rupture... Vers la place où là j'ai mon statut de narratrice actuelle qui écrit sur son père, et ça va donc jusqu'à la prof qui écrit depuis l'autre monde sur son père qui appartenait au monde dominé. Donc c'est vraiment un livre intermédiaire, et je crois qu'il fallait que je l'écrive de toute façon pour passer à autre chose et pour prendre conscience aussi de quelque chose de l'ordre du féminin. Mais est-ce que ce livre qui est dont le sujet est effectivement l'acquisition d'une liberté et simultanément la perte d'une liberté et la découverte bizarre que je crois d'ailleurs font la plupart des jeunes filles et des jeunes femmes du passage à un état qui dure longtemps, où on n'est responsable que de soi, à un état qui dure très longtemps On est responsable d'autres, ce qui est quand même c'est cela. Presque le principal caractéristique de la maternité. Est-ce que ce livre-là n'a pas eu d'autres conséquences sur vous aussi ? Les conséquences sur moi, c'est simplement qu'elles m'ont conduite à rompre réellement dans ma vie personnelle avec ce mode, d'existence. C'est-à-dire, en termes clairs, c'est que j'ai divorcé. Après, ce qui prouve bien que la fiction n'est pas forcément une protection ou rempart entre l'écriture et la vie aussi. Non, parce que les proches savent bien de toute façon de quoi ils retournent, donc on ne leur cache pas. Mais je crois aussi, c'est peut-être plus pervers, c'est que j'ai écrit ce livre parce que je n'osais pas avoir un acte réel, c'est-à-dire divorcer directement. Et il fallait, au fond, que je le fasse peut-être pour de bonnes raisons. C'est-à-dire, de bonnes raisons, ce sont des raisons écrites. C'est-à-dire, pour une analyse qui passe par quelque chose, d'ailleurs, d'assez général, parce que mon mari n'est pas vraiment présent en tant que personne dans ce texte. Ce sont tous les signes justement de cette, on va aller vite, aliénation à l'intérieur du couple qui sont pointés, qui sont bon la oui, cocotte c'est minute. C'est ce que vous faites exemple. Toujours. Oui. C'est plutôt. Oui. C'est du personnel vers l'impersonnel. En tout cas, le personnel traité comme je crois commun, c'est ça. Comme bien commun. Comme bien commun ou d'une façon même impersonnelle, oui. Même d'une façon impersonnelle et générale. Et je pense toujours qu'on vit individuellement les choses, forcément. C'est à soi que les choses arrivent. C'est soi qui se retrouve justement devant les lits défaits à refaire le matin, les cendriers pleins, etc. Je parle là de la femme gelée d'une des scènes du matin. C'est à soi qu'arrivent les choses, mais au moment d'écrire, j'ai envie de les écrire entre guillemets collectivement, c'est-à-dire oui. Dans leur aspect général. Dans leur aspect transmué, en fait. Oui. Mais je pensais à ça parce que finalement, c'est un processus qu'on a retrouvé les jours précédents à travers tous vos livres, c'est cette circulation entre ce que la phrase que je citais de Michel Léris, oui. Entre l'écrit et la vie et l'écrit, et ce que vous venez de dire sur la femme gelée, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il fallait l'écrire pour que la vie change, de même qu'il fallait écrire la honte, oui. Qu'il fallait écrire la place, qu'il fallait écrire une femme, et de même, il fallait que certaines choses soient vécues, et si elles étaient vécues, c'était peut-être pour être écrites, comme oui. Vous le dites, dans l'événement, précisément. Oui. C'est-à-dire que pour supporter qu'un certain nombre de choses soient oui. Vivables, ou supporter qu'elles aient lieu, il faut se dire après coup que si elles ont lieu, c'est peut-être parce qu'il fallait qu'elles soient écrites. C'est une façon de transformer, de transformer les choses. Mais il est certain que ce que je dis à la fin de l'événement, que j'ai l'impression que par-delà toutes les raisons que j'ai psychologiques, sociales, que je pourrais trouver au fait d'écrire, et qu'il y en a une dont je suis à peu près certaine, c'est que les choses me sont arrivées pour que je les écrive. Donc, oui, on disait aussi hier pourquoi suis-je venue au monde, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et j'ai l'impression que plus je vais, plus j'ai ce sentiment-là que c'est pour transmuer, c'est pour aussi transmettre quelque chose qui est arrivé à une femme de cette génération, de cette époque. Et voilà, c'est au fond qu'il ne reste rien. Je me souviens plus les termes que j'ai employés, mais une espèce de dissolution. C'est ça. C'est à la fin de l'événement, je crois. Pas tout à fait la fin. Ça reprend en fait la phrase de ce japonais. De cette japonaise, c'est Yuko Tsushima. Oui, c'est une japonaise oui. Que je ne connais pas, qui dit « Qui sait si la mémoire ne consiste pas à regarder les choses jusqu'au bout, l'écriture aussi ?» Oui, c'est aller jusqu'au bout de quelque chose. C'est une expression qui revient souvent, même je m'en suis aperçue dans mon journal intime. C'est ce besoin d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Peut-être là, il y a une influence de l'éducation catholique, chrétienne, du sacrifice, etc. Bon, peu importe, on laisse ça de côté, c'est pas intéressant. Ah bon ? Pourquoi ? Non, parce que ce qui fait écrire, au fond, Peu importe. Oui, ce qui compte, c'est vraiment ce qui est écrit. Oui, la source, c'est pas... Et variable, en plus. Voilà. Oui. Et à quoi ça servirait de la connaître? Au fond, c'est ce que je réponds aux gens qui me disent « Mais est-ce que vous faites une psychanalyse ou est-ce que vous voulez vous faire psychanalyser ?» Et je renvoie toujours à cette idée que ça ne m'intéresse pas, au fond. Et ce qui me fait écrire, sans doute... C'est ce désir donc d'aller jusqu'au bout de la recherche d'une vérité, au fond, oui, la réalité, et c'est à travers les choses qui ont été vécues. Et l'idée qu'en fixant... Oui. Alors, par la mémoire, donc dans l'événement, c'est évidemment très, très important, puisque la mémoire joue un grand rôle dans l'écriture, je veux dire. Oui, on peut dire d'ailleurs comment ça commence, l'événement. C'est à l'inverse des armoires vides. Oui. Donc, dans l'événement, vous m'interrompez si je me trompe, vous allez à une consultation médicale. Il y a une salle d'attente qui réveille une autre salle d'attente. Oui, c'est ça. Parce que vous allez faire un test HIV et qu'il y a, dans les regards que les uns et les autres se portent, dans la honte sociale et le refoulé, le tabou qui entoure l'analyse de ce test, disons, quelque chose qui rappelle... La honte à époque décalée, la honte de se trouver enceinte. Voilà. Oui, c'est cela. Et qu'on a trouvé, disons, comme si la société avait trouvé de nouvelles formes pour stigmatiser la sexualité ou la sexualité non contrôlée. Oui, c'est une autre forme, évidemment, plus tragique. Plus tragique parce que le sida a une dimension en plus qui frappe les hommes et les femmes. L'avortement ne frappait frappe que les femmes. Malheureux. Mais je crois qu'elle est autant tabouisée que l'était le fait pour les filles de se trouver enceinte. Donc ça rappelle effectivement, ça ramène au jour, en descendant l'escalier de l'hôpital, c'est une sorte de souvenir. C'est-à-dire que je pense que je suis sauvée. Je suis sauvée et il y avait une fille blonde aussi dans la salle d'attente qui était là et j'ai pensé à elle à ce moment-là. Et au fond, c'était peut-être comme un double à travers les années de mon attente, moi, du verdict. J'emploie le mot verdict parce que c'est à peu près ça. Oui, c'est vrai que c'est ça. C'est le passage d'un monde à l'autre. Oui. C'est d'un seul coup, rien ne va plus être pareil. Et ça rappelle donc le souvenir du cabinet du gynécologue qui va me dire effectivement que je suis enceinte. Donc. Ce qui avait quand même été toujours la crainte de votre mère, d'ailleurs. C'était la crainte de toutes les mères de l'époque. Mais plus particulièrement, sans doute, de ma mère qui savait à quel point ça pouvait handicaper l'avenir. Et puis, elle était, je crois qu'on a le comprendre, féministe avant la lettre, et elle voyait là une sorte d'assujettissement à quelque chose qu'elle abhorrait, c'est-à-dire la femme au foyer qui s'occupe d'enfants, point final. Et pour elle, je l'ai entendu très, très souvent stigmatisée, d'une manière quelquefois même injuste. Misogyne, en fait. Oui, misogyne. C'était le fameux féminisme misogyne. Oui, et qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle le ressentait comme ça, c'est-à-dire ces femmes qui ne font rien, et surtout qui ne sont rien. C'est-à-dire qu'une femme qui n'avait pas un métier, elle considérait qu'elle avait un métier, une fonction, et c'est vrai qu'elle était extrêmement active, mais elle préférait 100 fois une femme qui allait travailler à l'usine le matin plutôt qu'une femme qui devait s'occuper d'enfants. Ça serait la reproduction. Oui, la reproduction, elle abhorrait cette animalisation, en fait, quelque chose qui tendait. Il y avait quelque chose là de qui lui répugnait profondément et que je ressentais très fortement. Alors, on pouvait croire que ce sujet de l'avortement, ce livre de l'événement, qui est un livre extraordinairement poétique, en fait, parce qu'on dit que c'est un livre sur l'avortement, et c'est vrai. C'est pas seulement sur l'avortement. Mais c'est un livre sur le temps, en fait. C'est un livre sur le temps, sur la manière dont la mémoire se reconstruit, sur les résonances d'un pavé, sur un brouillard qui s'abat sur la conscience, sur l'attente. Oui, c'est parce que la grossesse, c'est le temps. Oui. Et la grossesse non refusée, c'est le temps qui passe à travers le corps sans qu'on le veuille et qui grandit, c'est une espèce de... D'étrangeté à soi. Oui, c'est le temps qui se matérialise, hein, littéralement dans le ventre. Même pas, je veux dire, le ventre, c'est réducteur. Dans le corps, en fait, oui. Oui, et puis la tête. Et aussi la tête, plus ne penser qu'à cela, c'est une obsession avec, à l'époque, comment vais-je m'en sortir. Donc en fait, se retrouver retranché du monde, d'une certaine manière, ne plus ressembler aux autres, qui d'un seul coup, c'est, on est comme en dehors du monde, qu'on regarde marcher sans vous, avec cette perspective de devoir trouver les moyens pour se débarrasser. Et c'est sûr que ce sont des mois qui m'ont profondément marqué. Mais quand j'écris, évidemment, donc il y a toute cette immersion dans ce temps-là, et l'écriture même est du temps qui avance vers la fin, et donc il y a tout ce jeu-là, et d'où la citation de Léris que vous avez évoquée, mon double vœu que l'événement soit écrit et que l'écrit soit événement. Et donc ce que je vous disais, c'est que ce livre poétique, profond, très très émouvant, a été reçu de manière assez étrange. Mal reçu, on dira. Oui, et reçu... étonnamment mal reçu, selon moi. Étonnamment, oui. Parce ça m'a beaucoup surprise qu'il y ait cette... Il y a eu un retrait assez violent, un refus de lecture. Pourtant, ça ne s'appelle pas l'avortement, c'est volontaire, ça s'appelle l'événement. Je crois qu'il y a toujours... des raisons qui sont éminemment sociales, c'est-à-dire que autour de tout ce qui touche la reproduction, mais vraiment en tant que tel événement pur de la reproduction, et non pas qui est dépourvu donc de sa dimension érotique. Tout ce qui, par contre, satisfait tout le monde, qui fait fantasmer, le fantasme est interdit, puisque je vais, dans ce livre, justement, évoquer, retrouver les scènes avec tous les détails, sans excès, c'est-à-dire les détails qui restent, les objets même qui restent, comme la sonde qui est apparue donc dans les armoires vides, évidemment cette espèce de sonde que les faiseuses d'anges, c'était le nom, mettaient glissée à l'intérieur de l'utérus et que je n'avais jamais vu de ma vie, et que le voir là dans une cuvette auprès d'une brosse à cheveux, la scène, c'est un tableau. Donc je le dis, mais sans aucun effet, sans aucun luxe de métaphore ou quoi que ce soit, simplement que si j'ai pensé que c'était une espèce comme de serpent rouge. Comme vous auriez fait une photo, en fait. Oui, c'est une photo. Dans une photo, on aurait vu le serpent rouge aussi bien. C'est m'approcher le plus près d'un certain art photographique, d'une manière générale, souvent, d'ailleurs, dans les scènes. Et il y a eu donc sans doute cette peur, et ça, l'IVG n'est pas sujet non plus de littérature actuellement, n'est pas évoqué sinon en passant dans certains textes. Donc tout ça fait partie de ce qui appartient spécifiquement aux femmes. C'est donc pas un hasard s'il y a une censure, y compris par les femmes elles-mêmes. Il y a des femmes qui ont eu des avortements clandestins, qui ont refusé énergiquement de lire ce texte parce que ça n'est pas passé dans leur vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elles veulent oublier complètement. Je crois qu'il y a... tout le monde n'a pas la même fonctionnement psychologique. Beaucoup de gens veulent oublier des choses mauvaises. Mais moi-même, j'ai été dans ce déni-là pendant des années, pour l'avortement, mais aussi pour la honte sociale, pour mon enfance, pour le café épicerie. Donc il faut quelquefois quelque chose qui fasse qu'on ose affronter. Et d'ailleurs, ce texte événement, c'est, j'ai eu beaucoup de mal à affronter, c'est-à-dire à écrire uniquement là-dessus, sans savoir au fond où j'allais, mais en sachant que c'était quelque chose de très violent et que je devais faire. Il y a comme cela des impulsions, enfin plus que des impulsions, des certitudes que si je n'écris pas certaines choses, je suis lâche. C'est une trahison, en fait. C'est une trahison. l'acheter et que je dois absolument le faire. Et ce désir que je repoussais sans cesse, je l'écris dans le livre même, oui. Donc de repousser ce désir. Finalement, j'ai essayé de le tromper, comme on fait souvent, on ruse avec c'est ce désir. C'est la corrida de Michel Léris d'ailleurs, oui. C'est le taureau. J'ai rusé, alors je me disais, je vais écrire juste le début, au mois d'octobre 1963, voilà. Et puis, je m'arrête et je sais à ce moment-là qu'il faut absolument que je continue, que j'ai envie de continuer et que maintenant, je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur d'avancer dans ce temps-là avec ces images-là, avec et il va falloir retrouver le plus près des choses. Il faut que je me tienne au plus près des choses. Et là, c'est mon fonctionnement général pour... dans toute l'écriture, c'est pas seulement ce livre-là, ce sont les phrases. Je suis oui. Très sensible aux phrases entendues. C'est ce que disait Jean Rhys, hein. Je me souviens de tout ce qu'on m'a dit. Oui. Et les phrases résonnent dans ma tête. Oui. Et très souvent, on les retrouve dans vos livres, Annie Arnaud. Oui. On retrouve ces phrases qu'on vous a dites. Oui, telles qu'elles. Elles se sont imprimées telles quelles. Et ça veut dire qu'elles ont plein de résonances multiples, qu'elles contiennent quelque chose d'extrêmement fort qu'il va falloir justement déployer en d'autres. Contiennent de la vérité. Oui, c'est ça. Elles contiennent la vérité. C'était À voix nue. Annie Arnaud s'entretenait avec Geneviève Prisac. Réalisation Bruno Sourcy. Culture, un été d'écrivain. D'événements, à la description d'objets, de photos, l'auteur nous parle de sa vie, mais aussi de l'évolution de la société, du temps qui passe. Elle aime qualifier son livre d'autobiographie impersonnelle. Nous proposons en nouvelle diffusion 5 des 10 épisodes qui composaient ce feuilleton réalisé par Étienne Vallès. Les années de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lemp. Avec Ludmila Mikael, Marina Moncade, Jacques Gamblin. Quatrième émission. Un jour tu verras, l'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera l'orgue de barbarie. Cette ère pour nous sera le plus beau, le plus joli. Sur cette photo en noir et blanc, une grande fille aux cheveux foncés, mi-longs et raides. Visage plein. Les yeux clignant à cause du soleil, se tient de biais. Légèrement déhanchée de manière à faire saillir la courbe de ses cuisses, serrée dans une jupe droite descendant à mi-jambe, tout en les amincissant. En dehors des pommettes et de la forme des seins, plus développée, rien ne rappelle la fille d'il y a 2 ans avec ses lunettes. Elle pose dans une cour ouverte sur la rue, devant une remise basse, à la porte rafistolée comme on en voit à la campagne et dans les faubourgs des villes. En fond, 3 troncs d'arbres plantés sur un haut talus se détachent sur le ciel. Au dos, 1957, Yvetot. Elle connaît maintenant le niveau de sa place sociale. Il n'y a chez elle ni frigidaire, ni salle de bain. Les WC sont dans la cour et elle n'est toujours pas allée à Paris. Inférieure à celui de ses copines de classe. Elle espère que celles-ci ne s'en aperçoivent pas, ou le lui pardonnent, dans la mesure où elle est marrante et relaxe. Dit « ma piole » et « j'ai les pétoches ». Toute son énergie se concentre vers « avoir un genre ». Son souci reste ses lunettes de myope, qui lui rapetissent les yeux et lui donnent l'air polar. Quand elle les enlève, elle ne reconnaît personne dans la rue. Dans ses représentations de l'avenir le plus lointain, après le bac, elle se voit, son corps, son allure, sur le modèle des magazines féminins. Mince, les cheveux longs flottant sur les épaules, et ressemblant à Marina Vladi dans La Sorcière. Elle est devenue institutrice quelque part, peut-être à la campagne, avec une voiture à elle, signe suprême d'émancipation. 2 chevaux ou 4 chevaux, libre et indépendante. Sur cette image, s'étend l'ombre de l'homme, l'inconnu, qu'elle rencontrera comme dans « Un jour tu verras » la chanson de Mouloudji, ou s'élançant l'un vers l'autre comme Michel Morgan et Gérard Philippe à la fin des Orgueilleux. Elle est sûre qu'elle doit se garder pour lui et ressent comme une faute contre le grand amour de connaître déjà le plaisir toute seule. Bien qu'elle ait inscrit dans un carnet les jours où l'on ne risque pas d'être enceinte d'après la méthode Ogino, elle n'est que sentiment. Entre le sexe et l'amour, le divorce est total. Au-delà du bac, sa vie est un escalier à gravir qui se perd dans la brume. Elle ne peut savoir que de cette année 57, elle retiendra le bar du Casino de la Plage, à Fécamp, où un dimanche après-midi, elle a été fascinée par un couple qui dansait seul sur la piste un blues, lent et serré. Elle voit l'Europe coupée en 2 par une muraille de fer, à l'ouest du soleil et des couleurs, à l'est l'ombre, le froid, la neige et les chars soviétiques qui franchiront un jour la frontière française, s'installeront à Paris, comme à Budapest. L'Algérie en terre brûlée de soleil et de sang, creusée d'embuscades, autour desquelles voltigent de petits hommes en burnous flottants, image elle-même issue du livre d'histoire de troisième racontant la conquête de l'Algérie en 1830, illustrée par un tableau, la prise de la Smala d'Abdelkader. Il n'y a rien de tout cela dans le journal intime qu'elle a commencé de tenir, où elle décrit son ennui, son attente de l'amour dans un vocabulaire romanesque et grandiloquent. Elle a noté qu'elle doit disserter sur Polyeucte, mais préfère les romans de Françoise Sagan qui, bien que foncièrement immoraux, ont cependant un accent de vérité. Les gens faisaient fond de plus belle sur une existence meilleure grâce aux choses. Selon leurs moyens, ils changeaient la cuisinière à charbon pour une gazinière, la table en bois couverte d'une toile cirée pour une en formica, la quatre chevaux pour une dauphine, remplaçaient le rasoir mécanique et le fer à repasser en fonte par leurs équivalents électriques, les ustensiles en métal par les mêmes en plastique. L'objet le plus enviable et le plus cher était la voiture, synonyme de liberté, de maîtrise complète de l'espace, d'une certaine manière du monde. Apprendre à conduire et obtenir le permis, considéré comme une victoire, salué par l'entourage comme la réussite au brevet. Les plages étaient bondées le dimanche, de corps en bikini, offerts au soleil dans l'indifférence au monde. On annonçait la société des loisirs. Avoir ses deux bacs, le premier en fin de première, le second l'année d'après, était le signe incontestable de la supériorité intellectuelle et la certitude d'une future réussite sociale. Pour la plupart des gens, les examens et les concours qu'on passerait par la suite n'avaient pas autant d'importance. Ils trouvaient seulement beau d'aller jusque-là. Sur la musique du pont de la rivière Kouai, on se sentait parti pour le plus bel été de la vie. D'un seul coup, le succès au bac conférait une existence sociale, comme si on n'avait pas démérité d'une confiance que la communauté adulte avait placée en nous. Les parents s'arrangeaient pour faire le tour de la famille et des amis, annoncer la nouvelle glorieuse. Ils s'en trouvaient toujours pour plaisanter. « Moi aussi j'ai passé le bac, sur la Seine, à Côte-Bec. » La vraie récompense du bac aurait été de vivre une histoire d'amour ressemblant à Marianne de ma jeunesse. En attendant, on flirtait, retrouvant en cachette celui qui descendait un peu plus bas à chaque rendez-vous et qu'il faudrait quitter bientôt parce qu'on n'allait pas faire l'amour pour la première fois avec un garçon que les copines trouvaient rougeau. Only dans l'ivresse d'une mixité nouvelle, loin enfin du regard des parents, en blue jean et une gauloise à la main, on sautait les marches deux par deux vers la cave d'où s'échappait la musique de la surboom. Le sentiment d'une jeunesse absolue et précaire à ce moment-là nous submergeait, comme si on allait mourir à la fin des vacances à la manière du film « Elle n'a dansé qu'un seul été ». C'est à cause de cette sensation éperdue qu'on se retrouvait après un slow, sur un lit de camp, ou sur la plage, avec un sexe d'homme jamais vu sauf en photo et encore, et du sperme dans la bouche pour avoir refusé d'ouvrir les cuisses, se souvenant in extremis du calendrier Ogino. Un jour blanc se levait, sans signification. Sur les mots qu'on aurait voulu oublier, aussitôt après les avoir entendus, « Prends ma queue, suce-moi », il fallait mettre ceux d'une chanson d'amour. C'était hier ce matin-là, c'était hier et c'est loin déjà. embellir, construire la fiction de la première fois sur le mode sentimental, envelopper de mélancolie le souvenir d'un dépucelage raté. Mais une chose était sûre, il ne serait plus jamais possible de se rappeler comment était le monde avant d'avoir eu un corps nu contre le sien. On flirtait de plus en plus loin, pratiquait ce qui n'était discible nulle part ailleurs que dans les ouvrages médicaux, la fellation, le cunnilingus et parfois la sodomie. Les garçons se moquaient de la capote anglaise et refusaient le coitus interruptus de leur père. On rêvait aux pilules contraceptives qui, on disait, se vendaient en Allemagne. Le samedi, à la file, se mariaient des filles en voile blanc qui accouchaient 6 mois après de prétendus et robustes prématurés. Prise entre la liberté de Bardot, la raillerie des garçons qu'être vierge c'est malsain, les prescriptions des parents et de l'Église, on ne choisissait pas. Personne ne se demandait combien de temps ça durerait, l'interdiction d'avorter et de vivre ensemble sans se marier. Les signes de changement collectif ne sont pas perceptibles dans la particularité des vies, sauf peut-être dans le dégoût et la fatigue qui font penser secrètement « rien ne changera donc jamais » à des milliers d'individus en même temps. Sur la photo de groupe en noir et blanc insérée à l'intérieur d'un livret gaufré, 26 filles s'étagent sur 3 rangs, dans une cour, sous les feuilles d'un marronnier, devant une façade dont les fenêtres à petits carreaux peuvent aussi bien être celles d'un couvent, d'une école ou d'un hôpital. Toutes vêtues d'une blouse claire qui les fait ressembler à un corps d'infirmière. Au-dessous de la photo, notée à la main, lycée Jeanne d'Arc, Rouen, classe de philosophie, 1958-1959. Ne figurent pas les noms des élèves, comme s'il avait été sûr au moment où la photo a été remise par le chef de classe qu'on se les rappellerait tous. C'est elle au 2e rang, la 3e à partir de la gauche. Aucun signe sur sa figure de l'envahissement de tout son être par le garçon qu'il a défloré à moitié cet été, comme l'atteste le slip taché de sang qu'elle conserve secrètement entre des livres dans un placard. Ni de ses faits et gestes. Marcher dans les rues après les cours en espérant le revoir, rentrer au foyer de jeunes filles et pleurer, rester des heures sur un sujet de dissertation sans le comprendre, se passer sans arrêt « only you » quand elle retourne chez ses parents, le samedi, se bourrer de pain, de biscuits et de chocolat. Si l'une des grandes questions susceptibles de faire avancer la connaissance de soi est la possibilité ou non de déterminer comment, à chaque âge, chaque année de son existence, on se représente le passé, quelle mémoire prêter à cette fille du 2e rang? Peut-être n'en a-t-elle plus d'autre que celle de l'été d'avant? Mémoire presque sans image, incorporation en elle d'un corps manquant, un corps d'homme. Pour l'avenir, coexistent en elle 2 visées. 1, devenir mince et blonde. 2, être libre, autonome et utile au monde. Se rêvant en Mylène de Mongeau et Simone de Beauvoir. Même si les soldats du contingent continuaient de partir en Algérie, l'époque était à l'espérance et à la volonté. Aux grands desseins sur terre, sur mer et dans le ciel, aux grandes paroles et aux grands deuils, Gérard Philippe et Camus. Il y aurait le paquebot France, la caravelle et le Concorde, l'école jusqu'à 16 ans, les maisons de la culture, le marché commun et, un jour ou l'autre, la paix en Algérie. Il y avait le nouveau franc, le Scooby-Doo, les yaourts aromatisés, le lait en berlingot et le transistor. Pour la première fois, on pouvait entendre de la musique n'importe où, sur le sable de la plage à côté de sa tête, dans la rue en marchant. La joie du transistor était d'une espèce inconnue, celle de pouvoir être seul sans l'être, de disposer à sa guise du bruit et de la diversité du monde. et les jeunes arrivaient de plus en plus nombreux. Les maîtres d'école manquaient. Il suffisait d'avoir 18 ans et le bac pour être envoyé dans un cours préparatoire faire lire Rémi et Colette. On nous fournissait de quoi nous amuser, le hula hoop, salut les copains, hache tendre et tête de bois. On avait le droit de rien. Ni voter, ni faire l'amour, ni même donner son avis. Pour avoir le droit à la parole, il fallait d'abord faire ses preuves d'intégration au modèle social dominant. Entrer dans l'enseignement, à la poste ou à la SNCF, chez Michelin, Gillette, dans les assurances. Gagner sa vie. L'avenir n'était qu'une somme d'expériences à reconduire. Service militaire de 24 mois, travail, mariage, enfant. On attendait de nous l'acceptation naturelle de la transmission. Devant ce futur assigné, on avait confusément envie de rester jeune longtemps. Les discours et les institutions étaient en retard sur nos désirs, mais le fossé entre le disciple de la société et notre indicible nous paraissait normal et irrémédiable. Ce n'était pas même quelque chose qu'on pouvait penser, seulement ressentir, chacun, dans son fort intérieur, en regardant à bout de souffle. Les gens étaient habitués à la violence et à la séparation du monde. Est-Ouest, Khrouchtchev le Moujik, Kennedy le jeune premier, Pépone Don Camillo, JEC-UEC, Luma l'Aurore, Franco-Tito, Cato-Coco. Sous le couvercle de la guerre froide à l'extérieur, ils se sentaient tranquilles à l'intérieur. En dehors des discours syndicaux à la violence codifiée, ils ne se plaignaient pas. Ils avaient pris leur parti d'être tenus par l'État, d'écouter Jean Nocher faire la morale à la radio tous les soirs et de ne pas voir les grèves aboutir. Quand ils avaient voté oui au référendum d'octobre, c'était moins la volonté d'élire le président de la République au suffrage universel que le désir secret de garder De Gaulle président à vie, sinon jusqu'à la fin des temps. Nous, on préparait nos certificats de licence en écoutant le transistor. On allait voir Cléo de 5 à 7, l'année dernière à Marienbad, Bergman, Buñuel et le cinéma italien. On aimait Léo Ferré, Barbara, Jean Ferrat, Léni Escudero et Claude Nougaro. On lisait Harakiri. On ne se sentait rien de commun avec les yéyés qui disaient « Hitler connaît pas ». Et leurs idoles plus jeunes que nous, filles à couettes et à chansons pour corps de récréation, garçons rugissants se roulant par terre sur la scène. On avait l'impression qu'ils ne nous rattraperaient jamais. Auprès d'eux, nous étions vieux. Mais nous n'étions pas adultes. La vie sexuelle restait clandestine et rudimentaire, hantée par l'accident. Les filles s'informaient dans des livres. Elles conservaient la honte des mères vis-à-vis du sexe. Il y avait toujours des mots pour les hommes et pour les femmes. Elles ne disaient ni jouir, ni queue, ni rien. Répugnaient à nommer les organes sauf d'une voix détimbrée, spéciale. Vagin, pénis. Les plus hardis osaient se rendre discrètement chez une conseillère du planning familial, un organisme clandestin. Se faisaient prescrire un diaphragme de caoutchouc qu'elle peinait à s'insérer. Faute d'avoir eu peur à temps dans la pinède ou sur le sable de la Costa Brava, le temps s'arrêtait devant un fond de culotte toujours blanc depuis des jours. Il fallait faire passer, d'une façon, en Suisse pour les riches, ou d'une autre, dans la cuisine d'une femme inconnue sans spécialité, sortant une sonde bouillie d'un faitout. Avoir lu Simone de Beauvoir ne servait à rien qu'à vérifier le malheur d'avoir un utérus. Les filles continuaient donc de prendre leur température, comme des malades, de calculer les périodes à risque, 3 semaines sur 4. Elles vivaient dans 2 temps différents, celui de tout le monde, des exposés à faire, des vacances, et celui, capricieux, menaçant, toujours susceptible de s'arrêter, le temps mortel de leur sang. Dans les déjeuners du dimanche, au milieu des années 60, quand les parents profitaient de la présence de l'étudiant rentré le week-end faire laver son linge pour inviter des membres de la famille et des amis, la tablée discutait de l'apparition d'un supermarché et de la construction d'une piscine municipale, des 4L et des amis 6. Ceux qui avaient acheté une télévision discutaient du physique des ministres et des speakerines. parlaient des vedettes qu'ils voyaient à l'écran comme s'il s'agissait de voisins de palier. Ils évoquaient l'an 2000, calculaient leur probabilité d'être encore vivants, l'âge qu'ils auraient. Ils s'amusaient à imaginer la vie à la fin du siècle, les repas remplacés par une pilule, des robots qui feraient tout, des maisons dans la lune. Ils s'arrêtaient vite, tout le monde se fichant de savoir comment on vivrait dans 40 ans. Juste être en vie. À nous, les grands dimanches d'après-guerre, Fleurs de Paris et le petit vin blanc, semblaient appartenir à un temps révolu, celui de l'enfance, à propos duquel on avait envie de rien entendre. Et si un oncle essayait de le raviver... Te souviens-tu quand je t'ai appris à monter à bicyclette ? On le trouvait vieux. Dans la rumeur des voix, des mots et expressions entendus depuis que nous étions au monde, mais qui ne nous venaient plus spontanément, on se sentait flotter dans des images indiscernables d'autres dimanches, plongeant jusqu'à ce temps dont nous entendions les récits en revenant au dessert, essoufflés d'avoir trop joué, avant d'écouter des refrains que personne ne se souciait plus de reprendre aujourd'hui. Ce soir au bar de la gare, Igor Agar est noir, il n'arrête guère de boire. Car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté, il a fait chou blanc, ce grand duc avec ses C'était ses astuces et ruses de Les Années de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lem. Quatrième émission. Avec Ludmila Mikael, Marina Moncade, Jacques Gamblin et les voix de Lucienne Troca, Hervé Colombel. Prise de son et mixage, Philippe Carminati. Assistance technique et montage, Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès. Les années de Annie Ernaux est publiée aux éditions Gallimard. C'était un été d'écrivains, des entretiens, des lectures, des auteurs français, des auteurs étrangers. Toute cette semaine, Annie Ernaux. Vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr cette émission, ainsi que toute la série d'un été d'écrivains. À demain.